sens comme Vierge Marie posée dans un strip. Comme ces tout petits négros accusés d'un crime. Y'a mes gens qui saignent et personne ne fait de garrot. On soigne, on s'entraide, tu connais le tableau. Ils ont voulu nous laisser convalescents ou morts comme Adama, Zied et Bouna. J'veux même plus allumer mon téléphone, parce que tout ce que je vois, c'est qu'ils détestent le voile. Mon petit rêve devient riche dans le fond du Benz, mais je crois qu'il a oublié qu'il en portera rien. Et si la Zermie a du mal à se faire entendre, je suis prêt à ma voix avec un peu d'autotune. Magique, magique, magique. J'aimerais sécher tes larmes, mais j'ai pas de baguette magique. Magique, magique. J'aimerais ramener nos morts, mais j'ai pas de baguette magique. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. J'en ai vraiment rien à glander. Ça veut rien dire comme le tatouage japonais d'Ariana Grande. En politique, y'a que des cul-chats qui se seraient fait les croiser. Être heureux dans cette époque malade n'est pas un signe de bonne santé. Plus de plastique dans les poches que dans le corps des Instagrams. Enfonce le chargeur dans la crosse, dans le cul du désert Eagles. Car lorsque l'homme qui parle est armé, c'est l'âme qu'on écoute et pas l'homme. J'ai le monde venin sur la langue de quand il se mord, il s'empoisonne. Je me sens comme un guide Michelin en Éthiopie. Comme chez Decathlon, un hijab de running. Ici les pigeons sont des porteurs de godreau. On soigne, on s'entraide, tu connais le tarot. Magie.